T'as vu? Faire un tour encore. Vous voulez pas? C'est là qui veut rester avec moi, il a dit si souhaite retourner pour la maison. Qui veut tourner? Moi. Tourner? Ouais. Qui d'autre? Moi. Allez, on tourne. Le reste reste avec moi. Ouais. Ah, c'est que quand tu veux toi? Noah, elle est où Noah? Elle est là, avec moi. Noah! Non, elle reste avec moi. Noah, elle peut pas de rester avec moi, Noah. Noah! Arrête! Yirmin! On y va, Noah.